magamamba. Kuma bankono kafo awyan lane na ɲɛnajɛ kɛra fadenya ye a kɛra sɔbɛ ye a bɔra tulon na a kɛra sɔbɛ ye aw ye ɲɛnajɛ minɛ kamalenya la kamali kunna wolo kamalenya aw ye balontan kamalenya la kamali kunna wolo kamalenya malidenw bi se balon la jɔn de bi se anw de bi se gaɲe gaɲe jɔn de bi gaɲe anw de bi gaɲe an dalen bi mali la jɔn de bi gaɲe anw de bi gaɲe u bi arbitiri boɲɛ jɔn de bi se anw de bi se u bi balon sariya boɲɛ jɔn de bi se anw de bi se u ti siran mɔgɔ ɲɛ jɔn de bi gaɲe anw de bi gaɲe u bi balon tan sɔbɛ la jɔn de bi gaɲe anw de bi gaɲe tɔn bɛ ko gaɲe tɔndenw bɛ ko gaɲe supɔrtɛri bɛ ko gaɲe peresidan yɛrɛ ko gaɲe tɔn ko bi tɔn ko bi tɔndenw ko bi tɔndenw ko bi supɔrtɛri ko bi supɔrtɛri ko bi peresidan ko bi peresidan ko bi yoya yo terɛn kɔnɔ Batoma, namu, a fɔra arajo mandala sisan ko sini ye sɔrɔ ye. ye sinye sele bismillah jumɛn de kan ka jɔ pata kɔnɔ jumɛn de kan ka jɔ pata la kɔnɔ jumɛn de kan ka jɔ u ka ca. kelen ko fila ko saba ko naani ko duuru ko wɔɔrɔ ko wolonwula seegin kɔnɔntɔn tan. tanga ma kelen sigiyɔrɔ kelen dayɔrɔ kelen. sunɔgɔ bɛ n na deli ko bɛ n na hayi deli deli kɔrɔ man di. sunɔgɔ bɛ n na tulonkɛ nege bɛ n na denmisɛnnin da tuma sera. Charbon bana, farokela ubi, kolo kolo te bo basi kina ke ba ti bolo, ye baara dɔ kɛ ka te wari ɲini te wari ɲini ne bi taa te wari ɲini wari de bi te sɔrɔ wo mali bɔ bali nin ta le la te bi yɔrɔ bɛ mali bɔ bali nin ta le la su kɔrɔ bi yɔrɔ bɛ wo mali bɔ bali nin ta le la charbon bi yɔrɔ bɛ mali bɔ bali nin ta le la لله الحمد لله بعد أني ورا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بعد ولا كنا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سيكو آمد Baroni pullo wu fiar be jamara may ka baje kam ko woni pullo garato ngal tata baje kabo wale jom en tubaaji pullo weyi hulbi ni ma jippi ma silmina ma salmini ko di salatu sammini to ruji ko woni bawde hamani gonga allah pullo wu fi ha be jamara may ka faaji kam ko woni pullo garato ngal tata baje kabo wale jom en tubaaji pullo weyi hulbi ni ma jippi ma silmina ma salmini ko di salatu sammini to ruji ko woni bawde hamani gonga allah Assemblement le courant, combattant vaillamment par les glaives, c'est le but du défenseur et protecteur des faibles. Luttant contre les puissances et les forces du plan, enseignement d'épouvante et devient conciliant dans la paix, honneur à toi, destructeur des fétiches. Écoutez les concerts de l'homme véridique d'Allah. Kalaate tumbibe kawati turanibe dina Allah bawdi seku Amadou Hammam lobbo Aïssa bawdi Alfam Dahiru bawdi Amadou Sambour Kolado Dourfe bawdi Ballo Bobakar Hamadi Boubou bawdi Tumbama e Mbambama Troupier au turban flottant, compatissant pour les fêtes sauvages, tu as consacré ta vie à la construction de ta patrie. Ta mort engendre l'exode des tiens, tu as fait ta preuve à Sénovéda. Tien il m'a laissé nos hamdélas, je subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Admirez les piliers de la Dina, faites entendre le concert de Sekou Amadou, Hamman Lobo Aïssa et ses compagnons. Alfanou Dahiru. Amadou Sambourou Kolado Dourse, concert de Ballo Bobakari Hamadi Boubou, concert englobé et embrassé. Allahu Kujam, Hamdallah, Allahu Kujam, Segu Amadou Ambalo Boaisa, Allahu Kujam, Allahu Kujam. Don't fool me, man, baby. Don't fool me now.